Écoute, écoute. Calibre 420 revient sur une version originale Wagga Music. Et c'est moi mal comme ce cas. Mais pour dénoncer l'hypocrisie, c'est ça. Je peux empêcher de faire le mea culpa. Ce sentiment qui n'en donne qu'un zizani. Et je peux dire aussi qu'il a mis que dans ses tueries. Alors quand je pose mes paroles, alors fais bien attention. Alors fais bien attention. Car ce que je dis n'est pas con. Dégaine sauf là sous ce système raga. De chic tous les traités, oui mon style fait des dégâts. Quand je prends le mic, demande-toi bien qui revient dans la partie. T'inquiète pas, je t'avertis quand je serai parti. Mais d'abord au mic, dénonce l'hypocrisie de certains petits individus. Quoi tu crois faire, mais pire que Lucifer. Quand tu tournes le dos, il te poignarde dans le dos. Devant toi, font le beau, mais derrière des mains qui sur toi balance des mots qui te cassent ton ego. Pourquoi ce genre de personne m'enfonce les autres, toujours tiré à profit et ne pense qu'à faire des ragots. Pourquoi ce genre de personne aime m'enfonce les autres, toujours tiré à profit et ne pense qu'à faire des ragots. Attention nos versets, accent, tu as besoin d'assez. Avec nos lyrics, spécialement sur cette rythmique, toujours la même clique. Pour les meilleurs des clics, mais cette fois plus travailler sur ces hypocrites. Car ils nous dotent à dot avec leurs anecdotes. Et dans le dos, KO, ils planent des ragots. Ce sont ceux-là même qui disaient être amis, mais n'en est plus rien que votre pire ennemi. Nous-mêmes choisis d'aimer, avions le même problème. Et pour s'en débarrasser, il faut surtout pas l'amadouer, mais l'éjecter, le baffer, éviter tout autre arrivé. Et pour sûr, il faut l'éradiquer. Ne se laisse pas contaminer par ce virus destructeur de vie, destructeur de pays, destructeur. Structure de ceci, écoute celle-là, non man, écoute celle-ci. Calibre 4, ça va dénoncer l'hypocrisie. Dénonciation de ce foutu sentiment. Quand tu réagis ainsi, non, c'est pas intelligemment. Dénonciation de ce foutu sentiment. Quand tu réagis ainsi, non, c'est pas intelligemment. Non, non, c'est pas intelligemment. Non, c'est pas intelligemment. Pourquoi ce genre de personne m'enfoncer les autres, toujours tiré à profit et ne pense qu'à faire des ragots. Pourquoi ce genre de personne aime m'enfoncer les autres, toujours tiré à profit et ne pense qu'à faire des ragots. Démocalypse au banc de mots, lead contre le mot, la dit, la fait hippo, il mentit hippo le morceau. Micro en main comme un Sammy coupe, grand langue, il fait un tabla, bla bla. L'hippo, plus fort un maladie, fléau gain pas guéri. Rime anti l'a dit, couplé anti l'a fait gain à autre cas, et il casse cette morale. Pas normal, nena un ta grand chroma. Mille et un grand langue, il faut fil la journée comme la nuit. Mi fait à moi génie, tout va au mic, arrête tout ça là. Si ou les un lipo, si ou les un chroma. Pourquoi vous voulez comme ça, jamais pourquoi vous voulez comme ça, jamais pourquoi vous voulez comme ça, jamais pourquoi vous voulez comme ça, non non non. Stop à tous ces ragots, stop à tous ces hypocrites, stop avant de finir dans le caveau, stop pour pas être premier sur ma liste. Pourquoi ce genre de personne, pourquoi ce genre de personne.